Good morning, amiga! Eh oui, ça y est, on est déjà en 2026. 2026, mes amis. Oh là là, incroyable! Et donc, ça fait 2 mois hein, que la microchimie est terminée et que j'ai ce podcast à monter et que je n'ai toujours pas monté. Donc, on va commencer par vous souhaiter à tous une bonne année 2026 avec tout ce qui va avec, hein, la santé, la sérénité, hein, parce qu'on va dire que 2026 a bien besoin de sérénité, vu comme c'est parti, et plein de bonnes choses hein, pour votre machine préférée, hein, que ce soit de l'Amiga, du MorphOS, de l'Amiga-like, du Winner, de la Rose, de la Miquelon, etc., etc. Bref, comme dirait Glems, profitez de votre variante Amiga. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce sera à peu près tout. Je vais laisser la place au Batman d'il y a 2 mois, hein, puisqu'il vous avait enregistré un petit podcast qu'il a toujours pas monté, ce feignant. Et ensuite, à la fin du podcast, vous aurez droit, je pense, à la musique qu'a mis en ligne Banjo Guy Holly il y a pas longtemps. Il a repris la musique de la démo Eon. Donc, ce sera la musique d'outro de ce podcast. Mais écoutez, je vous laisse en bonne compagnie et je vous dis à bientôt, on l'espère. Bye bye! Good morning, amiga! Et voilà, c'est le dernier jour de la microalchimie, il est 11h. Je vais faire un petit tour des participants et on essaiera de faire un podcast pour le podcast d'Amiga Impact. Je suis à côté de Super Robin, qui est mon fils. Comment vas-tu, mon fils? Cela va très bien. Qu'as-tu fait de ton week-end? On va rigoler 5 minutes. J'ai modé la PS Vita, je suis en train d'essayer de faire une application en Python qui marche sur Android. Ça fait pas beaucoup d'Amiga tout ça. Ouais, mais j'ai fait ça avec un Raspberry Pi. Oui, c'est toujours pas un Amiga, mais... Ouais, mais vous mettez des Raspberry Pi dans vos Amiga, donc après... Ah, c'est pas faux. Mais comment te dirait Cyril, qu'est-ce qu'il faut mettre sur un Raspberry Pi? Un Amiga. Emu 68. Ah, il y a Amiga qui chante à côté de moi. Enfin, il crie, mais on l'entend non. Pas. Non. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. J'ai dit que j'allais quand même faire un petit podcast vite fait. Quand bah même. Ouais, ah, c'est cool ça. Histoire d'avoir une petite mémoire. Ouais, auditive. De l'événement. Voilà. Parce que olfactif, on va éviter. Non. Non. Comment va mon grand? Bah ça va. Passé un bon week-end? Bah ouais, super. Ouais. T'as fait quoi de ton week-end toi? Alors... À part réinstaller un Windows sur l'ordinateur de ma femme. Oh punaise. Oui, alors celui-là, déjà, ça m'a fait passer oublié, un peu dedans. Ouais. On a fait réparer, j'ai demandé à François de me réparer, à Muman de me réparer une manette de PS2. Ouais. Et puis j'ai essayé de voir si je pouvais mettre à jour la Minitel. Ah oui, c'est vrai. Dont l'article est sur AI. Sur Amiga, fact, oui. Voilà. On remettra un lien dans le podcast. Ah bah voilà, super. Et puis ouais on s'en est bien vu là parce que je suis pas un spécialiste du Linux. Par contre j'ai trouvé il y a MacDiFunk qui connaît super bien, il m'a super aidé là tout le week-end. On a fait de la ligne de commande et tout. Et on arrivait à faire ce qu'on voulait. Alors c'est pas terminé, mais on a un ami Berry qui maintenant tourne depuis qui est de version 2024, qui tourne beaucoup mieux, et on a installé Amiga Vision, donc un launcher beaucoup plus moderne. Et non, ça marche bien tout ça. Donc du coup, la Minitel est de nouveau fonctionnelle. Ah bah il l'était. Oui, fait. Il l'était. Ouais, mais ouais, c'est juste qu'on on s'est rendu compte qu'il y avait des WHD loads qui marchaient pas bien. D'accord. Donc on s'est dit ah bah ouais, mais comme Ami Berry était 2018, SDL1, voilà, il était vraiment vieux pour c'est 2025. Là, c'est là quoi tu fais la mise à jour, c'est là que ah. Il... Non, il y a pas de mise à jour. Tu pouvais pas parce qu'en fait c'était basé sur une vieille Debian, Raspbian. Donc on a essayé de faire ça, ça n'a pas marché. On a mis une Debian trop récente, ça ne marchait plus. Parce que la version d'Ami Berry récente demandait un environnement graphique. Donc dès qu'on le lançait, bah, c'était terminé, les perfs s'écroulaient. Ah, oui. Donc il fallait trouver la bonne Ami Berry, la plus récente possible, mais qui ne nécessitait pas l'environnement graphique. Voilà. Ce qui correspond à l'équivalent maintenant d'Ami Berry Lite, mais que je n'ai pas testé. Je me suis arrêté à la version de août 2024. D'accord. Oui. J'ai installé, c'est quoi? C'est Bookworm, je crois, de Debian. D'accord. Ça peut être la 11 ou la 12, et SDL2, et puis tout est installé. Maintenant, il faut que je fasse mes réglages d'écran, je remette le mapping du clavier. Tout ce que j'avais fait, qui est expliqué dans l'article sur Amiga initial. Impact. Voilà, sur Amiga Impact. Bien sûr. Le lien sera dans la description. Voilà. Sinon, bah, c'est tout. Hein. Rien de... Okay. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien amusé, on s'en est bien vu quand même. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. T'as passé un bon week-end, Grumly? Tu t'es bien amusé? Grumly, pour ce qui va, la microalchimie. Bon, bah, je continue mon tour. Là, je suis à côté de Cyril. Salut Cyril, ça va bien? Ça va, ouais. C'est un bon week-end? Super week-end, ouais. Pas cassé ton 1002 Pistorm, toi? Un petit peu. Il a encore du mal à démarrer ce matin. Ah merde! Parce que toi, t'avais des soucis de démarrage. Avant de venir. Ouais. Tout le week-end, ça a à peu près été, mais là, ça a rendu quoi? Ouais. Parce qu'il y a Arès aussi. Arnaud. Qui a son 1002 Pistorm, mais là, il démarre plus. Ouais. Et c'est un peu chatouilleux, les Pistorm, sur certains trucs. J'ai l'impression, c'est le connecteur. Qui relie le Pistorm à la carte mère là. Ah oui, le connecteur d'extension de la. Ouais. Alors pour les auditeurs, il faut le gommer. Oui. Et puis après, au coton-tige, un petit peu d'alcool, ça le nettoie, ça repart. Ouais, j'avais vu ça sur ma C32 aussi. Alors qu'est-ce que t'as fait de ton week-end sinon? Ah ben plein de choses. Ah oui, j'ai vu que t'avais fait du Mac Mini aussi sur MorphOS. Ouais. On a essayé le beau portage de Wipeout, Fantomas fait par Uno PPC. Hein. Ouais. Ça marche super bien, hein. Il avait fait un sacré boulot. Sur Mac Mini, ça tourne en 1080p. Oui, c'est en 1080p. Parfaitement. Ouais, c'est cool. Textures un peu meilleures que celles d'origine. Oui, parce qu'en plus il a remis les circuits du 2097. Il y avait pas mal de modifications et d'ajouts. Ça. Puis sur le 1002 Pistorm, t'as fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, la bidouille. La bidouille, voilà ce que j'allais dire. C'est le principe. Bidouillon. Okay. Bon week-end alors. Ouais, bon, et c'est ta première en plus. Oui. Et alors? Ah, mais magnifique. Bon, bah alors c'est très bien ça. J'avais peur un peu de pas pouvoir dormir, mais ça va. Ouais, ça a été. C'est ce que je dis, les années passent, je crois qu'on dort de plus en plus en fait. C'est l'âge. C'est ça. Merci. Je me rapproche des utilisateurs d'OS 4 qui ont le multicore maintenant, donc. Enfin, ils l'ont vu en tout cas. Enfin, ils l'ont aperçu. Enfin, ils ont vu un PowerPoint. Non, ils ont vu un slide. On l'a frôlé. Comme. Du bout des doigts. Alors, je suis à côté de David. Salut David, ça va bien? Bonjour. Je vais très bien. Tu vas très bien. Tu as passé un bon week-end? Un excellent week-end. Ah ouais, t'étais bien entouré en même temps. Oui. Entre Corto et Ulrich. Voilà, et Alex j'avais Pallon. Quand même pas Alex Pallon et Uno. Philippe Uno. Est plus réservé. Ouais, Philippe, il est dans elle point, fait mais... ça difficile parfois. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est lui le plus gourmand. Non, mais bon. Non, mais c'est souvent les plus timides qui... Ouais. C'est ceux que... Qui sont les plus farouches la nuit. C'est ça. Avec leur rire de pas y toucher. Mais voilà. C'est ça. Avec sa petite mèche sur le côté, sa petite écharpe quand il arrive. Moi, je vais rien dire, je porte une écharpe aussi. Non, mais bientôt, il sera au foulard en soie, tu verras. Ah oui, mais là, on passe au niveau supérieur. Bon, c'est utilisateur de S4, c'est normal. Oh, ils sont tous un peu précieux, quand même. Je connais certains autres. Vu le prix de la machine. Voilà. Ils se débrouillent pas mal non plus. C'est vrai. Alors, ce week-end, qu'as-tu fait de beau? Qu'as-tu vu de beau? J'ai beaucoup testé. J'ai testé le port de Outrun qui a été réalisé par Uno. Ah, oui, je l'ai vu tourner d'ailleurs. Donc, moi, j'ai principalement testé la fonctionnalité du SPE. Ah oui. Et nous sommes arrivés à quelque chose de très décent et de très appréciable comme expérience. Ça tourne bien. Ça tourne très bien. Voilà. Petit problème qui reste tout petit peu au niveau du son, mais... Ah d'accord. Okay. C'est peut-être sur ma machine qui est un peu plus faible au niveau de la carte graphique que la sienne et que la plupart des utilisateurs, donc nous verrons bien. En même temps, mettre une Voodoo 3... Une Banshee, monsieur. Une Voodoo Banshee. Voodoo Banshee, elle n'est pas le même niveau, quoi. C'est pour ça. C'est old school forever. Mais... J'ai quand même évolué depuis la B-Vision. C'était compliqué de l'avoir connecté dedans. Dans la 1222. Oui, c'est. Voilà. J'y ai, je pensais, tu vois, 1200, 1222. Ouais, bah remettre la Blizzard. La Blizzard, ouais. Et puis là. Ouais, tu comprends. Hein. Ouais, j'ai cramé deux disques durs SCSI aussi. Compliqué. Et du coup, t'aurais du multicore. Avec le Blizzard PPC. Oui. T'avais le 68000. C'est pour ça, voilà. On reste dans la tradition. Oui, parce que pendant la micro-alchimie, il y avait la Mi West. Oui, on ne sait pas si ça peut encore s'appeler Ami West, mais c'est... Ça s'appelle l'Ouest. Foire au boudin. Foire au boudin. Oui, on n'a pas tout à fait compris toutes les présentations qui nous ont été proposées par les Américains, mais voilà, il y avait du spectacle. Voilà. Et comme disaient c'était les nuls, non, les inconnus, mais cela ne nous regarde pas. Okay. Si, mais ça ne regarde pas, mais ça nous concerne. Hein, c'est parce ça. Que... c'est pour ça qu'on est. Ouais. En fait, fallait le. C'est plutôt cela ne se regarde pas. Ouais. Donc l'écran de Mehdi a failli prendre cher parce que. Ouais, vous l'affiche. Vous énervez un petit peu ouais, regardant les présentations. Mais bon. On s'y fait. Bah oui, il faut. Hein. C'est que je vérifiais que j'avais bien appuyé sur le bouton enregistrer. Quoi. Parce que des fois j'ai fait juste. Ah, mais je peux le refaire. Moi, je ça clignote pas. Je fais des sketchs en fait dans la vraie vie. Ah, d'accord. Voilà. T'es sketchiste ? Ouais, c'est pas. Ça fonctionne pas tellement bien parce que en Belgique, il n'y a pas beaucoup d'amigaïstes. Ah oui, tu fais du ouais, c'est du stand-up amiga ? Exactement. Ah, ouais, c'est niche quand même comme marché quoi. Souvent, il y a ma mère, mes chats, enfin, tu vois, c'est pas grand monde quoi. Mais bon, c'est un bon public. Hein, je me doute. Voilà. Ils sont acquis à ta cause déjà. Bah voilà, c'est surtout ça. C'est pour ça que je viens en France, je me renouveler. Ah oui. Bah, ouais, nouveau public, voilà. Nouveau spectacle. Voilà, je vais commencer aussi sur MorphOS si tu veux. Oula. Des blagues sur MorphOS ? J'en ai pas encore. Non, j'ai pas encore écrit mon spectacle bleu. Je suis toujours à la version. La période rouge. Voilà. Ça sera la version noire, rose. Ah oui. Mais là, on va. Version noire, on va. Ça va être triste quand même. Mais je pense que je mourrai avant. Avant de l'écrire. Avant de passer. Je suis pas spécialement encore aspiré par Aros, donc. Moi non plus. Ouais. Voilà. Bon, après, il faut pour tout le monde. Nous appelons les utilisateurs d'Aros à se manifester. Il n'y en a pas. Ah bah voilà. Merci d'être venu. C'est gentil. Ben merci. Mais avec plaisir, hein, quand tu veux. La moumoute de ton micro me plaît particulièrement. Touche-moi la moumoute. Oh yeah. Mais à côté, il y a Ulrich qui fait semblant de tourner la tête pour pas que je lui parle. Il tourne bien la tête hein, quand même. Hein. Il rigole. Tu peux dire bonjour ? Bonjour, micro. Ah. Je peux te déranger deux secondes ou pas ? Allez. Maintenant, je t'ai mis devant le fait accompli. Non, j'ai besoin d'un café. T'as besoin d'un café ? Je peux aller te chercher un café si tu veux. Elle a la technique pour se faire servir, le gars. Non, mais j'ai pas grand chose à... T'as pas grand chose à dire ? Ouais. Est-ce que t'as passé un bon week-end ? Oui, oui, super. Moi, j'ai eu peur. Le temps de réflexion, puis là, il est temps de se dire. Mais en plus, il y a l'autre qui est à côté, il me ramène en voiture avec lui. Si je dis une connerie, il va me laisser sur le bord de la route. Bon, Alex n'a pas des actions dans la chaîne. Ouais. Attends, je vais juste faire. Alex, avec le peu de voix qui te reste, peux-tu dire bonjour ? Bonjour. C'est vraiment le peu de voix qui te reste. Je sais pas si on l'entendra. Ouais. Merci les gens. On va faire un tour de la salle niveau sonore. Donc là vous allez entendre MM Human qui soude. Vous notez que vous entendez rien, c'est parce qu'en fait il soude pas. Là. Il met de la musique. C'est une boîte à battre. C'est une boîte à meux, mais qui lance des waves sur une petite carte SD en fait. C'est original. Là, il y a de la musique, mais vous entendez pas. Je fais un tour d'ambiance. Donc là, j'enregistre et je mets l'ambiance de l'alchimie. Sauf qu'en fait, il se passe rien. Ouais. Je sais pas ce que ça va rendre. Donc là, normalement, il y a quelqu'un qui tape sur un clavier, mais au moment où j'arrive, il tape plus sur le clavier. Bah, il y a des problèmes de... avec Linux. Il veut pas taper sur le clavier. Hein. Donc là, on est devant un PowerBook. Vous notez, il fait rien. Non, il fait rien. Il est alors, du un coup, peu épuisé. De... Parce que je voulais faire un tour ASMR, mais il n'y a pas beaucoup de bruit. Donc, Bah, du coup, c'est bien. Oui. Je t'ai pas soumis à la question. Quelle question ? Bah, la question du podcast d'Amiga Impact. Oui. Ça va ? Ça va, très bien. Un bon week-end ? Très, très bon week-end. T'es bien amusé ? Oui, très bien. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise ? Oula, On a fait des choses avec Grumly. Oh, oui, bah, j'ai vu des photos. Ce sera peut-être une photo de Grumly qui sera en jaquette de la peau du podcast. J'ai bien retrouvé mon ami Uno. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas eu trop l'occasion de J'ai essayé de le faire parler, mais il n'a pas voulu. J'ai acheté Wipeout sous Morphos. C'est vrai, moi aussi. Sympa, il fonctionne bien. Petit truc avec la manette. Ah oui, avec le Game Controller DB. Voilà, Ounos, tu nous écoutes. Non, sinon, bien, super. Tous mes potes. Bonne ambiance. Bonne ambiance, bon repas. Comme d'habitude, quoi. Comme d'hab, quoi. C'est ça. Pas trop court. Ah, toujours. On attend longtemps, puis après, ça passe super. Après, ça passe trop vite. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Et puis, ouais, j'ai vu des Pistorm, hein, pas mal. Hein. Ah oui, Pistorm, du Pistorm. J'ai vu des trucs assez intéressants. Ouais, il y avait une carte mère là-bas, qui ressemble à Amstrad, mais c'est pas Amstrad. Aussi. Ouais, la Minitel, il y a du... Il y avait de l'Auric. J'aurais bien aimé voir une Mirari, mais il n'y en avait pas. Donc, mais... Il y avait de la Corne, de l'Archimède, de l'Amstrad, de l'Atari, du MSX. Des machines assez Un bras motorisé, mais je ne l'ai pas vu fonctionner cette année. Il y a un espèce de robot, j'ai vu. Il y avait un robot chien là, qui a fait le tour de la... Bah, d'ailleurs, Grumly, il a bien aimé le robot chien. Je pense qu'il ne faut pas trop lui laisser le robot chien. Ouais, parce qu'il a pris cher, le robot chien. Il a perdu sa vertu, le pauvre. Sinon, on a vu que Arnaud, il est très fort à Wipeout, j'ai remarqué quand même. Ouais, il maîtrise bien les aérofreins. Arnaud. Le mec d'entrée, il connaît le circuit par cœur et tout. Il sait qu'il a déjà, épuisé quelques heures de vol, c'est sûr. Ok. Non, très très bien. Bah, voilà. Et puis donc, mon PowerBook, j'aurais bien aimé. Après, avec une port USB à droite, apparemment, c'est tous les power, beaucoup de power comme ça. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu me dis ça, mais moi je crois que c'est celui de gauche. Mais. Tiens. Ça commence à être pas loin de la mort. Parce que j'en ai plus qu'un, il commence à déconnecter la souris, ça craint. Ah oui ? Et ça serait... C'est pour ça qu'une machine neuve, ce serait intéressant. Bah oui. La Mirari. Tout meurt. Là, je suis à côté de Gabriel, qui est mon deuxième fils. Tu as quel âge, mon grand ? 11 ans. Tu peux dire bonjour déjà. Bonjour. Bah bonjour, oui, mais tu ne vas pas demander. Attends. Je... Mais oui, c'est vrai. J'ai rien demandé en plus. C'est vrai. Non, c'est moi qui t'ai appelé en plus. Ah, t'as remarqué un truc ? Les gens qui ont S4 sont en train de regarder les Mac Mini des gens Morphos. Ouais. À mon avis, le Mac Mini va monter de prix. Il va y avoir une inflation. Il faut en acheter maintenant, les gars, si vous voulez. Parce qu'après, les gens qui ont S4, ils vont en acheter. Ils vont acheter plein. Tout ce qui reste. Et... Ouais. Alors, mon grand, t'as passé un bon week-end ? Oui. Tu t'es bien amusé ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit la dernière fois ? Là, c'est vrai que tu leur dises. Que ce week-end, c'était comment, t'as dit ? Trop bien. C'était trop bien. Ouais, c'est pas ce que t'as dit, mais c'est pas grave. C'était quoi alors ? Je sais plus ta phrase, mais c'était bien. Je t'avais dit, il faut que tu lises la belette, ça lui fera plaisir. Mais bon, t'as passé un bon week-end ? Oui. T'étais bien ? Bonne ambiance ? Oui. T'as bien dormi ? Moyen. Il y a des gens qui ronflaient. Ah, il y a des gens qui ronflent. Ouais. Pas de nom. Ah, cite pas de nom. Pourquoi tu me regardes ? Parce que je te regarde. J'ai beaucoup ronflé, moi ? Non. Ah, c'est gentil. Bon, tu vas faire quoi, là ? Bah, j'ai bientôt mangé. Ah, je crois que t'allais réviser ton anglais. Ah oui, aussi. Ah oui, aussi. Mon papa, il m'embête. Merci, mon grand. Bon, je continue mon petit tour d'horizon. Ah, tiens. Un autre ami gaïste. En même temps, il n'y a que ça, ici, presque. Bon, il y a 2-3 atatristes, mais bon, c'est comme ça. Oui, bonjour, Arès. Majorité. Salut, Zeus. Une grande majorité, tu disais, d'amigaïstes. Ah oui, encore heureusement. Mais il y a de la corne et à corne Archimède cette année. Ouais. Intéressant à voir là avec le jeu Starfighter 3000 là, qui tournait. Ouais, j'ai vu qu'il faisait tourner Xenon 2 aussi. Ouais. Quelques bons jeux, la Swive, Gods. Quelques bons jeux de l'Amiga qui ont été portés dessus assez tardivement d'ailleurs. Ouais. Je pense que ça tournait surtout en 94 par exemple, Starfighter, mais ouais, c'est un peu. Je vais mettre sur l'émulation de ce machine à mon retour à la maison. Ah. Ouais, ouais. C'est intéressant. Ouais, bah oui, toujours. Ça ouvre des perspectives. Ouais. Sinon, ce week-end, alors Settlers 2, j'ai pu le tester. Ah, oui. J'ai pu me fatiguer dessus. Ouais, j'ai vu, t'as beaucoup. Pas facile. Joué. Troisième monde là, j'ai bloqué. C'est un peu d'ailleurs en retraille. Tu fais le jeu, tu vois les erreurs que tu fais et tu recommences le niveau. Ouais. Donc ça prend du temps. Mais ça tombe bien sur le Pistorm. Ouais, bah oui. Je suis en 1024. Ça tourne entre 30 FPS et 20 FPS quand c'est bien chargé. Ouais. Ouais. Ouais, après pour un jeu comme ça, c'est pas. Ouais, ouais, non, le portage est sympathique. Ouais. Ah, mais c'est cool. C'est une jolie petite évolution par rapport à Settlers 1 où ils ont rajouté un volet maritime. Ouais. Et puis un peu sur certaines constructions, certaines démarches dedans. Mais le principe du jeu reste simple, assez redondant. Hein. Ouais. C'est pas du jeu de stratégie moderne. Mais... Parce que toi, t'avais déjà poncé. Oui, t'avais déjà le joué premier, ouais, mais à l'époque. Ouais. Moi, j'ai jamais passé plus loin que l'intro. Et puis, les quelques... j'avais des copains qui jouaient à deux. Parce que tu sais, on peut jouer à deux en écran splitté sur Settlers. Avec deux souris. Mais je crois qu'ils n'ont pas réimplémenté le mode deux joueurs dans Settlers 2. Ah, j'ai pas regardé. Je crois pas. Mais bon. Bonne question. Et puis sinon, à part ça, je veux que tu fais des sauvegardes, là. Ouais, je refais mon installation d'Amiga OS 3.2 sur le Pistorm, là, j'ai tourné à zéro. Ouais. Avec EMU Imager, 68 Imager, c'est ça 60... Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, je vais tout leur faire moi-même. 68 Imager. Bah, à la maison, hein, là, je suis juste la copie. Ah bah, c'est cool. On passe un bon week-end, sinon. Ouais, ouais. Et le fiston a joué à Island. Ah oui, le fiston a joué à Monkey Island. Ça y est, il a battu la Reine du Sabre. Ouais, avec les conseils de papa. Ah. Sinon, il sera encore. Parce que du coup, il bloquait, mais c'est parce que les réponses n'étaient pas forcément... Bah, c'est quand tu combats la Reine du Sabre, faut réadapter. Les réponses que tu as. Voilà, ouais. C'est pas aussi simple que quand tu croises les pirates. Ouais. Ouais, il rage un petit peu aussi au niveau du labyrinthe, là, essayer de se retrouver dans la forêt. Mais je dis que ça fait partie du lore et puis finalement, du souvenir que tu vas garder du jeu. Voilà, c'est un tout. Monkey Island. Monkey Island. Et tu demandes à Antoine, il a la touche magique pour... arrive à la fin du jeu en 3 secondes. Attends, je vais leur demander. Vas-y. Antoine, c'est quoi le combo magique dans Monkey Island pour finir le jeu en 2 secondes ? Ctrl W. Ouais. Ctrl Win. Ctrl W, ça fait Ctrl Win. Si vous voulez essayer. Ok. T'arrives tout de suite à la fin avec le score façon les jeux Sierra, là. Tu sais. T'as le score de. Voilà. Oui, t'as du scoring sur les. Les jeux d'aventure. Sierra, ouais, parce que c'est basé sur les jeux. Ouais, ça copie. Et tu sers à Ctrl W. Puis voilà. T'es violent quand même. Ouais, je pense ça doit bloquer quelque chose. Ok. Bon, voilà quoi. Ah, s'il le lance. Ouh, tchou. Il y en a qui n'ont pas peur. Je sais pas ce qui va se passer avec ta copie là. Le problème, c'est que elle se met en pause. WHD l'eau n'est pas, c'est pas une petite tâche là. Alors ça y est, là on lance Monkey Island. On va. Avec un peu de son, ouais. Je m'appelle Guybrush Threepwood et j'aimerais devenir pirate. Tu m'as fait peur. Ne me surprends pas comme ça. Oh, je m'excuse. Je surveille la côte. Vous faites tripouille. Threepwood. Guybrush Threepwood. Je vois. Alors, comme ça, tu veux devenir pirate? On va voir le contrôle W après, je pense. Tu as plutôt l'allure du petit prince. Même si tu es sérieux, va parler au conseil. Mais si tu es sérieux, va parler au conseil des pirates. Tu peux les trouver dans le scumbar. Super, merci. J'y vais. Au revoir. C'est bien beau tout ça, mais l'aventure m'appelle. Et il y a 2 P à t'appeler. Bonne chance. Là, normalement, non. Où est le conseil des pirates ? Hein ? Première partie, les 3 épreuves. Alors, contrôle W. Contrôle W. Ça marche pas sur Amiga. Eh ben voilà. Ah, attends, ouais, peut-être parce qu'il est. Non. Eh ben non. Échec et maths. Ah, il est nul, mon fils. Bon, Alt F4. Ouais, ça va finir comme ça. Non, non. On parle F4, l'Amiga. Eh non. Ça marche pas sur Amiga, contrôle W, Antoine. Non. Tout ce comme VM, alors. Contrôle. T'es en train de copier ? Tant pis. C'est pas grave. Et voilà, en live. Allez, continue doucement. Je prends le bruit d'ambiance. Là, il y a J qui caresse ma moumoute. Ils aiment bien caresser mes moumoutes. Parce qu'en fait, je voulais enregistrer les navets de rivière. C'est un Tascam. Je vais prendre en photo. Non, je coupe pas. Moi. Ah, tu coupes pas. Ça dépend ce que c'est. Non, parce que là, je voulais faisais un tour de salle et. Pour toi, faire le bruit d'ambiance, faire un ASMR micro-alchimie. Si on commence à dire des gros mots, c'est pas bon. Alors. Il a envoyé ? Ça y est, c'est fait. Ah bah, nickel. Dès qu'il dit un gros mot, je dis bip. D'accord. D'accord. Vas-y, essaye, dis un gros mot. Alors, espèce de... Ça va bien taper dans les oreilles, ça, au podcast. On verra. Donc voilà, la microchimie, c'est aussi, ça cause beaucoup. On met un peu de musique. Ah, un Amiga 600 avec... Ah ben, faut pas dire ce que c'est. Mais un Amiga 600, ouais, c'est pour ça que je disais. Tu me donnes ton adresse et ça sera bien comme ça. Ah, c'est bon, maintenant faut que les gens reconnaissent. C'est le nouveau blind test. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est une démo? Alors, je vais décrire ce que je vois. Il y a un hélicoptère avec double pale qui vient de décoller. Il est en 3D face plane. Là, ça tourne. Ça tourne. On voit une espèce de route, une route avec des petits sapins. Panneau stop. Alors, si vous n'avez pas trouvé, c'était la démo Phenomena de Enigma. Ou Enigma de Phenomena, ouais, je ne sais jamais. Voilà. Même, tu vois. Enigma de Phenomena. Enigma de Phenomena. Ah, c'est un phénomène. Non, mais je suis content pour mon pote et puis je suis content pour son pote. Sniff, il part. Une borne d'arcade. Et voilà, la déchéance. Ça y est, nous y sommes. Ils ont installé Windows 98. Il n'y a plus que ça, hein, possible. Non, non, tu il n'y a plus que ça de vrai. On va tous y finir. Hein. Sous Windows 98 dans DOSBox, mais... Dans DOSBox en plus. Voilà. Ouais, ça fait mal au... Sinon, c'est trop facile. Ah oui. Ouais. Et puis, sinon, ce sera utilisable. Donc, ce serait dommage, quoi. Dommage. Tu comprends. Ah là là. Bon, bah, j'ai fait un tour de salle. Peut-être que vous aurez encore quelque chose après, vous verrez. Si vous n'avez plus rien, vous saurez. Donc là, on redémarre un Amiga 4000. Ce qui est bien, c'est qu'il peut avoir, un monceau d'injures, Fabien, qui est assez impressionnant. Pareil, comme on fait un reboot. Non, c'est bon. Ah. Non, tu vois, ça marche pas. Si, c'est bon. Non, non, ça marche pas. Non, j'ai envie de t'emmerder jusqu'au bout, tu sais, moi. Ah oui, je sais. Ça marche? Parce que si ça marche, parce que je lui ai pété les burnes pour qu'on se fasse chier à le faire fonctionner... Tu fais quoi? Ça marche. Alors? Il était un peu sale. Tu vois que c'est bien que je te force un peu à la main à faire des choses. Alors, quel était le problème? Ça a duré longtemps. C'est un podcast audio, hein. Pas vidéo, tapez-vous sur le bras, ça va pas aider beaucoup, là. Ouais, ça, c'est moi et Fabien. Là, ils sont en train de niquer les oreilles de tout le monde, là. Alors, dis-d'où. Alors, le problème d'origine, c'est que Fabien avait un problème de câble. Bon, ça marche toujours pas mieux, ou alors sa souris ne marche pas. Si, elle marche, ta souris, regarde, elle est là, arrête de faire n'importe quoi. Puis le tapis. Puis le CPU l'eau, il bouge en plus, donc il est pas planté. Non, mais attends, il y a quand même un truc. Voilà, là, ça a planté. Là, c'est mort, là. Par contre, on voit la mémoire. Ouais. Donc, on voit mieux. Donc, on avait un problème de carte mémoire sur son 4000. Mais on l'a testé dans un autre 4000, c'est une Fastlane. On l'a testé dans le 4000 de Geek qui est en train de vendre, là. Et tout fonctionne très, très bien. Ah. Là, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, on a accusé la Fastlane que j'ai vendue il y a 15 ans en disant le gars, il a vendu une Fastlane qui déconne. Elle a quand même été retouchée. Composants, dépliage tordu. Oui, bah voilà, c'est normal en même temps. C'était un truc que je vendais, il fallait pas s'attendre à ce que ça fonctionne, quoi. Et donc pour l'instant, on a l'air de fonctionner, mais on n'est pas encore assez stable pour dire qu'on est parfait. Mais on est beaucoup mieux. Moi, ça démarre. Et on voit la mémoire. On voit l'intégralité de la mémoire, alors savoir que les barrettes mémoire qui sont sur la Fastlane ont été faites à la main par Kickstart pour pouvoir passer à 64 mégas. Mais il veut pas parler, hein. Il dit juste coucou quand même. Coucou. Ah bah ouais. Tu veux voir ma... voir ton 4000? Tu veux voir mon 4000? Tu veux voir ma grosse barrette de mémoire? Donc ouais, toutes les barrettes de mort ont été faites par Kickstarter. Ouais, directement. Ah ça y est, on y va, là, clac, clac. Allez, on balance les trucs de fou, là. On balance le même test, et on va voir ce que ça fait. Et là, on voit le CPU load qui bouge, donc c'est bien, ça avance. Voilà. Oh, ça bouge encore. Eh ben c'est parti. Le bon. Plus gros bloc, the biggest block, the big fucking gun block. Erreur, donc on en a une qui a dysfonctionné. Voilà. Mais ça avance. On est largement mieux qu'un moment. Il y a le moment où ça hurlait pour le foot à la benne, et là... Là, on était limite à le balancer, mais là, on est quand même pas loin de... Le plantage. On a quand même le plantage mémoire à 24 mégas. Un gourou. Ça veut dire qu'on a... Il a bouffé 40 mégas avant de se planter. Donc, on n'est pas trop mal. Par contre, il faut comprendre pourquoi. Et ben voilà. Donc, c'était en live. Parce il y a 4000 qui marchent. Presque. On n'a pas essayé, on n'a pas fait de même test sur cette machine. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose. C'est copier quelque chose dans la rame. Je fais de la prise de son ambiant. Mais personne ne me fait rien en fait. En fait, tout le monde remballe. On m'a dit que ce n'est pas le bon moment pour enregistrer. Donc, du coup, je vais être obligé de prendre. Tu peux enlever ta bonnette. Ah, tu peux toucher ma bonnette si tu veux, mais pas l'enlever. C'est doux. Ouais, c'est doux. Et je l'entretiens, ma bonnette. Hein. C'est ça. Est-ce que tu lustres ta bonnette? Je me lustre avec ma bonnette. Tu te lustres avec ta bonnette, c'est important. C'est ça, oui. Passez un bon alchimie. Une réussite, comme chaque année. Et au passage. Pour le long anniversaire de monsieur. Ah oui, c'est pas fini. Il y a encore aujourd'hui son anniversaire. Et c'est l'avantage. Et c'est du ça. Coup, c'est tous les jours l'anniversaire. Enfin, le c'est... non-anniversaire de monsieur Bonnette. Il y a 15 jours par an, on peut pas le faire. Quoi. Effectivement. C'est ça. Et... C'est une manière de lui dire merci. Mais... C'est vrai. On apprécie aussi la sortie de nouveaux épisodes futiles épisodiques du podcast Amiga Impact. Ça fait toujours plaisir. Il faudrait dire merci à Arnaud là, qui a fait un blind test. Ouais. D'ailleurs, on a mis les résultats en ligne. Donc, si vous rentrez de la microalchimie, vous pourrez écouter les résultats. Je vais écouter les résultats parce que j'avoue quand même que j'ai eu du mal. C'était loin. Moi aussi. J'en ai eu reconnu deux. Mais il m'a dit qu'il avait été un peu vache, parce que, alors, il a été fort, parce qu'il a quand même écouté les anciens blind tests, mais il en avait déjà eu deux. Il n'a pas repris les mêmes, du coup. Hein, donc forcément, on avait déjà pris nous, les plus connus, entre guillemets, voilà, les faciles. Et puis en plus, il était vache, parce qu'il y a certaines musiques, en fait, il n'a pas pris l'intro ou le premier niveau, quoi. Tu vois, il allait chercher plus loin dans le jeu. Ouais. Donc forcément, ça commence à être compliqué, quoi. Oui, voilà. Parce que bon... Surtout quand t'es comme moi, que tu joues pas beaucoup. Donc. Et voilà. Et que donc tu meurs tout le temps au premier niveau. Et mais par contre, il y a matière à aussi en faire un pour le coup avec plutôt les musiques de démo. Parce que là, il y a plus de chances qu'on soit quand même plus nombreux à avoir le plaisir d'en reconnaître un certain nombre. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Là, il y a Amiga Vibes qui fait le podcast, oui. Mais que de musique. Mais bon, je fais pas de blind test, mais oui, effectivement, c'est une riche idée à mettre avec Dieu Gougou et. Ah oui, mais du coup, c'est son pseudo qui est parti, là, puisqu'il y était deux, mais lui, il est parti au Canada, et je ne sais plus son pseudo, il est parti. Je sais plus non plus. Mais si tu m'écoutes, je suis désolé. Oui. Voilà, c'est moche. On prend une coupe. Oui, effectivement. Et puis toi, number one, passe un bon week-end ? Excellent. Oui, j'ai... grâce à Benoît, on a réparé le... Ah bah oui, le Macintosh S30, qui avait des lignes verticales, comme... une porte de prison. Ah, il était pas branché, non. Attends. Et aussi, on a réussi avec le petit HP de Sony. C'est un smartphone à voler. C'est un PC sous DOS. PC AT sous DOS de 1994. Ah oui. Voilà. C'est... DOS 5. Avec un RAM disque et on peut lancer plusieurs applis en même temps. Ah, multitâche. Ouais, multitâche, ouais. Excellent. Voilà. Et on a réussi à synchroniser avec, un PC sous Windows 11 avec DOSBox. Excellent. En émulant un port série USB. On arrivait à transférer des fichiers entre les deux. Ah, c'est top. Intéressant. Je ne revenais pas, mais oui, DOSBox est capable de donner au programme MS-DOS dans DOSBox un vrai port série de l'ordinateur qui exécute DOSBox. Excellent. Et ça fonctionne, c'est parfaitement fiable. Il y a le Mac SE là, qui a démarré Retro SSI ou je sais pas quoi. Rebuilder le desktop file, c'est quand on ne l'arrête pas proprement. Il y a un moment, on va peut-être couper le courant sans faire le shutdown clean. Mais c'est pas grave, c'est automatique. Il y avait des barres, là, et il est propre. Il est nickel. D'accord. Et c'était effectivement une soudure d'un petit registre à décalage qui lit la mémoire vidéo et l'envoie sur la sortie vidéo. qui avait une des 8 pattes de données qui était tellement attaquée par la corrosion des condos qui avaient coulé juste à côté, que même en nettoyant l'alcool, etc., bah, il s'avère qu'une patte faisait plus compacte. Et le truc qui a trahi, c'est en regardant à l'oscilloscope où est-ce qu'il y avait du signal qui arrivait, juste en poussant la patte avec l'oscilloscope, ça disparaissait les barres. Ah ouais. Donc du coup, après, bref, ça a été difficile à souder parce que ça ne voulait pas accrocher à cause de l'oxydation. Mais on a quand même réussi à faire que la soudure tienne. D'accord. Et donc dedans, là, je vois, il y a un Blue SCSI, c'est ça? Oui, exactement. En externe. D'accord. C'était très moche. Ah oui, effectivement. Une oui, colonne sur 8. C'était pas très parti. Ouais, ouais, c'est, ça fait un style, quoi. Ouais. Explique l'Open Retro SCSI. Non, oui. La barrette mémoire, là. Ah oui, il y a une ROM, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait 8 mégas, qui remplace la ROM du Mac. D'accord. Et en fait, le système 7 est inclus dedans. Ah d'accord. On peut démarrer directement comme un TOS, en fait. D'accord. C'est vraiment sympa. Excellent. Elle est où? Si, c'est elle est là, elle est là. Ah oui, voilà, c'est lui. D'accord. Ce truc-là... t'avais un panneau de contrôle pour ça, comment c'était fichu? Non, l'utilisateur de configuration, voilà, il doit y avoir le nom exact du truc. La Garrett Workshop ROM Disk. Ouais. D'accord, Garrett Workshop ROM Disk. Donc ça, c'est une, ça remplace la ROM du Mac d'origine. En fait, c'est comme une barrette de RAM qu'on change. D'accord, et avec le système intégré et tout dedans. Donc, quoi. Il y a de la place. Ouais. Donc il y avait la toolbox, etc. du vieux Mac. Ouais. Il a un disque système complet, il doit compresser. Alors, il a un disque choisir, complet et des utilités. Entre le système 6 et le système 7. D'accord. Sur la barrette, il y a. Ah ouais. Et il y a. C'est comme tu as tout un tas d'utilitaires. Ouais. Tu peux faire du SCSI dès le début, tu n'as pas besoin de disquette, quoi. Tu n'as pas besoin d'un émulateur floppy. Oui. Tu peux te débrouiller avec ça et un Blue SCSI. D'accord. Ok. Il y a des petits interrupteurs sympas à changer. Si j'arrive à ouvrir la pochette. Voilà. Voilà. Tu vois. Mais donc ça ressemble à une barrette mémoire, effectivement. Avec des jumpers, switch, quoi. Ouais, des petits switches. D'accord, ouais, qui permet de choisir 6-6, 6-7, exactement. Ok, d'accord. Excellent. De flash. Et donc, ouais, des petits deep switch, ça veut dire qu'il y a du bank switching, mais mécanique. D'accord, ouais. Ok. C'est de la flash. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. On en fait des choses maintenant. C'est sympa qu'il y ait des gens talentueux et dévoués. On peut avoir le Wi-Fi directement avec le Blue SCSI. Excellent. Excellent. Ouais, okay. Je crois que j'ai quand même une carte réseau LAN d'origine en Ethernet classique. D'accord. Et beaucoup de RAM. Ce qui veut dire qu'on peut faire tourner beaucoup de logiciels. 128 mégas de RAM au lieu de 4. Ah oui, oui. 4, 8, on pouvait mettre autant de RAM dans un. Ouais. Ah. Un 0,30 à 16 MHz. Ouais. D'accord. D'origine. Ah, ça doit bien tourner, tout ouais. Ce qui a existé comme logiciel va tourner très ouais, bien. C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est le Mac. Le Mac SE bloc, ultime. Excellent. Excellent. Bah, écoutez, bah, merci monsieur. Merci Batman. Allez, prochaine. Oui, bah, j'espère. Allez, on continue. Dernier petit tour de salle. À côté de moi, j'ai quelqu'un qui covoiture avec moi. C'est donc Arnaud. Arnaud. Le sadique du blind test. Bonjour. qui fait les multivoix, l'homme aux multiples voix. Eh bien oui, chers amis. Formidable alchimie. Alors, il y avait Cyril, c'était sa première, mais toi aussi du coup. Tout à fait, ouais. Alors et ben, on peut dire que l'alchimie a fonctionné avec moi. C'était enfin vraiment fabuleux. J'ai rencontré des gens vraiment sympas et on a pu échanger sur plein de choses. J'ai cramé mon Pistorm. Et donc sinon, à part cramer un Pistorm, qu'est-ce que t'as fait de beau? Eh ben, j'ai beaucoup joué. C'est bien ça déjà. Ouais. Et puis j'ai rencontré plein de monde. On a discuté un peu machines, des machines très rares. Quoi. J'ai pu voir par exemple les Archimèdes là, que j'avais encore jamais vu. Ouais. C'est quand même sacré. Une belle machine. Hein. Sacré machine. On a aussi j'ai vu quelques Atari, des Mega ST que j'ai connus quand j'étais beaucoup plus jeune avant d'avoir un Amiga. on fait tous des erreurs dans sa vie. Ouais, c'est ça. Et c'est bien pour caler une porte. Sinon, ouais, bah, on a pas mal échangé, notamment avec Caleb. On s'est bien marré. Super. Et bah, avec Uno aussi, on a pas mal discuté. Moi, je suis un grand fan de Wipeout, donc forcément, là, il nous régale, quoi. Parce Que c'est ça. C'est un petit bijou. Faut que je retourne le voir, là, parce qu'on a discuté un peu Mega Drive aussi. Donc, ah oui, c'est vrai. Donc voilà, lui aussi, il est bien fan. Et puis, voilà, grosso modo, on a mangé un peu trop de bonbons aussi. Ouais, ça, j'ai le sucre au bout des doigts, là, qui me dit, t'as mangé trop de sucre, Voilà, faut pas que je fasse un test de glycémie, je pense. Donc voilà, bien fatigué, mais plein de paillettes dans les yeux et dans la tête. Enfin, c'est une bonne première, alors. Ah ouais, là, tu m'as fait découvrir quelque chose de vraiment chouette. Eh ben, merci à toi. Ben, une fois de plus. Content d'avoir insisté. Ouais. Bon, pas trop non plus, j'ai pas trop insisté. Oh non, t'as pas eu besoin. Pas eu besoin. Ben écoute, à la prochaine, alors. Ouais, je pense que ça va se faire. Ça va se faire. Merci, Arnaud. Mais de rien, merci à toi. Donc, et peut-être à bientôt dans un podcast. Peut-être.